moi, c'est sur le matelas de mon joli manège à trois. Cheval de bois, cheval de trois, l'adrénaline attaque par surprise, bouscule terre à l'étroit. Un pour tous et tous là pour ça, mais plus tard est loin d'être là, alors veux-tu venir faire un tour sur mon joli manège à trois? Je lui manège à trois. Oh. Ah, etc. sur mon joli manège à trois. Quand les dadas du radada s'embalgent à l'attaque de pile méfiance. Car du tournoi au tournoi, il n'y a qu'un pas. Pas de géant ou faux pas alors. Veux-tu venir faire un tour sur mon joli manège à trois? Faire un tour sur mon joli manège à trois. À trois. Souffert que ses yeux restent secs en plein cœur de l'hiver, que ses yeux restent secs en plein cœur de l'hiver. Et Robert a tant souffert qu'il ne se rappelle plus pourquoi il a souffert, qu'il ne se rappelle plus pourquoi il a souffert. Souffert que la peau de sa femme en bleuissait naguère. Et Robert a tant souffert que la peau de sa femme en bleuissait naguère. Robert. Et Robert a tant tant souffert. S'il avait un fils, il l'appellerait Robert. Robert. Robert. Oh, Robert. Roi merdasse, maladroit, mammifère, doué par les dieux, pour les impairs, doué par ses pères, pour ses impasses. Je suis le fameux roi merdasse, celui qui fait tout de travers. À toujours trop vouloir bien faire, à ne jamais savoir rester, rester à sa place. Merdasse, celui qui fait tout de travers, à toujours trop vouloir bien faire, à ne jamais savoir rester à sa place, le fameux roi merdasse, le fameux roi merdasse. Gloire, gloire, gloire au fameux roi merdasse. Merci. Ce morceau s'appelle Bravo Henri. Bravo Henri, et mille merci de la part de tes parents. Oh oui Henri, tu es quelqu'un, même si tu sais plus bien qui vraiment. Allons Henri, chasse les soucis et honneur à tes 30 ans. Bravo Henri, c'est réussi, Digicode et Mastercard. Bravo Henri, c'est réussi, Digicode et Mastercard. Ah oui Henri, tu es quelqu'un, même si tu sais plus bien qui vraiment. Juste 30 ans, oh 30 ans. Et déjà si là. Bravo Henri! Bravo! Oh, bravo Henri! Bravo Henri! Bravo Henri! Bravo Henri! Bravo Henri, bravo Henri, bravo Henri, bravo Henri. Merci. Ce beaucoup. Dernier morceau s'appelle Mon meilleur ennemi. Pense à tue-tête, caché sous mon front. Il saute la barrière pour m'initier à sa raison. Même il me ressemble comme si j'étais lui, le fameux homme aux oreilles, mon meilleur ennemi. Pense à tue-tête, caché sous mon front. Il saute la barrière pour m'initier à sa raison. Déjà je patauge dans la position du martyr qui prie pour qu'on le jette au lion. L'arme aux oreilles, mon meilleur ennemi. regret s'élève et je peux nous confondre. Je bois entre tes lèvres, saliant ton nom. Derrière le bar, je te vois qui t'active. Mort subite sur mort subite, jusqu'à ce que Pierre s'ensuit. Dans vos oreilles, mon meilleur ennemi. Oh. Faire pour te mettre dehors. Et puis ai-je vraiment envie de céder à l'effort, à l'ombre du tourment. Il est le plus doux des enfers. Et tu sais si bien iriser le nerf sans même toucher la dent. Blesse-moi. Merci, nous rejouerons bientôt dans d'autres endroits à des dates ultérieures.